Acte deuxième. Premier tableau. Le cabinet de travail du roi au palais. La dépêche pour les Cortés de Catalogne. Il me semble que Don Eduardo y exagère un peu la misère du royaume. Sur mes indications, de quoi s'agit-il ? D'obtenir. Et se plaindre est un des moyens d'obtenir. La pitié est d'un magnifique rapport. Puis-je me permettre une observation ? Oui. Puisque dans cette lettre, nous employons des procédés qui sont légitimes entre princes, mais qui, entre particuliers, seraient tenus pour atroces perfidies, je souhaiterais que votre majesté y parlât de notre honneur. Vous avez raison. C'est quand la chose manque qu'il faut en mettre le mot. Don Eduardo, vous recommencerez cette lettre et vous y introduirez le mot « honneur ». Une fois seulement. Deux fois, personne n'y croirait plus. Nous sommes tous saisis d'admiration par la phrase de Don Eduardo relative à la récolte de blé de l'an dernier. Sous la plume de Don Eduardo, la contre-vérité devient un véritable bonbon pour l'esprit. Ce n'est pas tout de mentir. On doit mentir efficacement. On doit mentir aussi élégamment. Hélas, que d'obligations imposées aux pauvres mortels. Il faut être dans la mauvaise foi. Comme un poisson dans l'eau. Il ne faut pas être dans la mauvaise foi comme un poisson dans l'eau, mais comme un aigle dans le ciel. Maintenant, messieurs, je vais vous apprendre une nouvelle qui sans doute vous surprendra. Je suis décidé à traiter avec le roi d'Aragon. Après tout ce que vous avez dit, vos doutes, vos appréhensions? Ce que j'ai dit ne compte jamais. Seul compte ce que j'écris. Encore bien entendu, est-ce une façon de parler? Ainsi, j'ai été occupé toute la matinée à faire dans le projet de traité les trous par lesquels je compte m'évader de mes obligations. Hélas, à ce jeu, on ne bat pas Alphonse d'Aragon. Je ne sais où sa félonie arrivera à se glisser dans notre accord pour le retourner contre moi, mais je sais qu'elle y parviendra. Je cherche en vain le défaut de l'armure, mais je suis certain qu'il existe et qu'Aragon le trouvera. Alors ne signez pas. Examinons encore. Il y a déjà 4 mois que nous examinons. Puisqu'il fallait lui céder, du moins, l'ai-je fait attendre. Sire, je vous en prie, avec de telles craintes, ne signez pas. J'ai conscience d'une grande faute. Pourtant, je suis porté invinciblement à l'affaire. Je vois l'abîme et j'y vais. Ma décision est prise qu'on ne m'en parle plus. Après ces paroles, aurons-nous encore l'indiscrétion de conseiller votre majesté ? Je vous l'ordonne. Sur quelque sujet que ce soit ? Je vous entends. Il s'agit de Doña Inès. Non seulement vous pouvez m'en parler, mais je sollicite à son propos vos indications et vos avis. Il y a 2 coupables. L'évêque de Guarda et Doña Inès. Et Don Pedro. Je n'aime pas votre crainte de le nommer. L'évêque est en prison. Si tout va bien, nous aurons sa tête. Le prince, votre fils, est gardé à vue. Doña Inès est libre. Doña Inès est la moins coupable. Il n'y aurait rien contre elle sans Don Pedro et sans l'évêque. De toute évidence, il n'y aurait rien contre eux sans Doña Inès. Votre majesté nous demande notre avis. En notre âme et conscience, nous faisons le vœu que Doña Inès ne puisse plus être à l'avenir une cause de trouble dans le royaume. Qu'elle soit emprisonnée, exilée. Qu'elle passe promptement de la justice du roi à la justice de Dieu. Quoi ? La faire mourir ? Quel excès incroyable ! Si je tue quelqu'un pour avoir aimé mon fils, que ferais-je donc à qui l'aurait haï ? Elle a rendu amour pour amour, elle l'a fait avec mon consentement. L'amour payé par la mort, il y aurait grande injustice. L'injustice, c'est de ne pas infliger un châtiment mérité. Et les offenses publiques ne supportent pas de pardon. Le prince et Doña Inès sont également coupables, mais Inès seule serait tuée. Tacite écrit, tous deux étaient coupables, Cumanus seul fut exécuté, et tout rentra dans l'ordre. N'est-ce pas cruauté affreuse que tuer qui n'a pas eu de tort? Des torts, elle en a été l'occasion. Quand une telle décision ne vient pas d'un mouvement de colère, mais du conseil de la raison, elle n'est pas une cruauté. Mais une justice. Oh, l'impossible position de la raison et de la justice. D'ailleurs, y aurait-il ici injustice ? La création de Dieu est un monceau d'innombrables injustices. La société des hommes aurait-elle l'orgueil infernal de prétendre être plus parfaite? Je suis prêt à mettre Doña Inés dans un monastère. Dont le prince, en prison ou non, l'aura fait enlever avant 3 mois. Je puis l'exiler. Où elle sera un foyer de sédition. Le prince groupera autour d'elle tous vos ennemis. Ils attendront votre mort. Ou peut-être la rateront, puisqu'il suffit de cette mort pour qu'Inès règne. Non, tout ou rien. Ou le pardon avec ses folles conséquences, ou la mort. Sans compter que, monastère ou exil, on penserait que votre majesté a eu peur de verser le sang. Ce qui conviendrait mal à l'idée qu'on doit se faire d'un roi. Si j'étais homme à me vanter du sang que j'ai répandu, je rappellerais que j'en ai fait couler assez dans les guerres et ailleurs. Le sang versé dans les guerres ne compte pas. J'ai dit « et ailleurs ». Il me semble que sous mon règne, les exécutions n'ont pas manqué. On dira que ce coup, vous avez bien osé tuer un ministre de Dieu, mais non une femme seulement parce que femme. La nature ne se révolte-t-elle pas à l'idée qu'on ôte la vie à qui la donne? Et Doña Inés de surcroît est une femme bien aimable. D'innombrables femmes sont aimables. Plus d'un monarque a sacrifié au bien de l'État son propre enfant, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus aimable pour lui. Et votre majesté hésiterait à sacrifier une étrangère, une bâtarde, qui a détourné votre fils de tout ce qu'il doit à son peuple et à Dieu? Mais la question est encore plus haute. Des centaines de milliers d'hommes de ce peuple sont morts pour que les Africains ne prennent pas pied au Portugal. Et vous seriez arrêté par la mort d'un seul être? Oh, il n'y a pas de proportion. Non, en effet, il n'y a pas de proportion. Et ce sont toujours les hommes qui sont tués, jamais les femmes. Cela n'est pas juste. Bien plus, à égalité de crime devant la loi, une femme n'est pas tuée. Cela n'est pas juste. Une femme, par sa trahison, livre l'armée, elle est emprisonnée à vie, et s'accommodant peu à peu, puisqu'il est dans la nature que tout ce qui dure se relâche, elle en vient à tirer une vie qui n'est pas dénuée de tout agrément. Mais un homme, pour le même forfait, est retranché d'un coup. Si Doña Inés vous disait « Pourquoi me tuez-vous ?», votre majesté pourrait lui répondre « Pourquoi ne vous tuerais-je pas ?» Je ne puis croire que la postérité me reproche de n'avoir pas fait mourir une femme qui est innocente, quasiment. La postérité appellerait cet acte une clémence s'il se plaçait dans une suite d'actes énergiques. Dans le cas présent, elle l'appellera une faiblesse. Que voulez-vous insinuer? Je n'insinue pas, je parle en clair, couvert par ma loyauté. Votre majesté, à cette heure, non seulement est faible réellement sur certains points, mais sur d'autres, elle est obligée de feindre la faiblesse pour mieux tromper ses adversaires. De là que partie à raison, partie à tort, le royaume passe pour faible. Et cette situation est destinée à durer longtemps encore. J'ajoute que l'habitude de feindre la faiblesse risque de mener à la faiblesse même. Quand on a commencé à avaler quelques couleuvres, fût-ce par politique, on finit par les avaler toutes. On s'y est fait, la fibre s'est détendue. C'est pourtant la plus grande preuve de force qu'accepter d'être dédaigné, sachant qu'on ne le mérite pas. Mais quoi est-ce que j'apparais si faible? Voyez les faits. On ne peut nier que partout la position du Portugal soit en recul. Ô infante humiliée, je suis plus pareil à vous que vous ne vous en doutez. Et que la foi dans la couronne ne soit de ça, de là, compromise. Ma fille, dans l'amertume affreuse. Un geste vous fait sortir de cet abaissement. Vous frappez le royaume de crainte et de respect. Le bruit s'engonfle et passe la mer. Le désert en est étonné. Et je dresse contre moi mon fils à jamais. Je détruis entre moi et lui toute possibilité de rémission, de réconciliation, ou pardon, aucun, irrévocablement. Non. Inès, vivante et bannie, le prince se rebellerait parce que soutenu de l'espoir. Morte, lui qui ne veut pas se donner la peine de gouverner, il ne se donnera pas davantage la peine d'une révolte qui n'aurait d'objet que la seule vengeance. Tout passera ensemble, l'amour et le grief. Ce qui est effrayant dans la mort de l'être cher, ce n'est pas sa mort. C'est comme on en est consolé. Mon Dieu, ne lui pardonnez pas, car il sait ce qu'il fait. Et s'il m'est permis de hasarder un avis bien modeste, je dirais que si votre majesté redoute un éclat, laissez libre Doña Inés, mais lui faire donner quelques viandes qui ne soient pas à sa complexion serait très à l'avantage de votre majesté. Hélas, nous sommes bien loin ici du royaume de Dieu. Lequel, en effet, n'a rien à voir dans notre propos. C'est un simple soupir qui m'échappait en passant. Un seul acte, Seigneur, vous délivrera de tous les soupirs. Voir la tragédie des actes. Un acte n'est rien sur le moment. C'est un objet que vous jetez à la rivière. Mais il suit le cours de la rivière. Il est encore là. Au loin, bien au loin. Toujours là. Il traverse des pays et des pays. Et on le retrouve quand on n'y pensait plus. Et où on l'attendait le moins. Est-ce juste cette existence interminable des actes? Je pense que non. Mais cela est. On s'y trompe, Seigneur. La mort de Doña Inés qui maintenant vous tourmente, c'est elle qui vous rendra libre. En cette occasion, la femme est comme la poule. Tu es là et elle vous nourrit. Les actes ne demeurent pas autant qu'on le croit. Combien de vos actes, après avoir rempli l'objet que vous en attendiez, se sont desséchés, ont perdu leur venin, sont désormais aussi inoffensifs qu'un serpent mort rongé par les fourmis. En outre, à partir d'un certain âge, il n'y a plus intérêt à faire les choses par une lente intrigue. On risque de n'en pas voir le bout. Vive alors un acte prompt dont on peut jouir dans son entier. Et n'est-il pas insensé que des hommes acceptent de peiner, de souffrir, d'être ligotés par une situation inextricable, seulement parce qu'un être est vivant, qu'il suffirait de supprimer pour que tout se dénoie, tandis que des milliards d'êtres meurent, dont la mort est inutile ou même déplorable. On tue et le ciel s'éclaircit. En vérité, il est stupéfiant que tant d'êtres continuent à gêner le monde par leur existence, alors qu'un meurtre est chose relativement si facile et sans danger. Mais s'il en est ainsi, cette facilité est une faiblesse. Une faiblesse qui, en l'occurrence, serait à ajouter à celle que vous croyez voir en moi. C'est faiblesse que faire la chose la plus rapide, la plus brutale, celle qui demande le moindre emploi de l'individu. Ainsi, il y a des galants qui préfèrent brusquer une femme inconnue au risque d'en recevoir un soufflet, à lui adresser la parole. On les prend pour des forts, et ce sont des timides. Quoi qu'il en soit, je ne regrette pas que vous m'ayez parlé avec tant d'ouverture. À tout cela, je réfléchirai. Que Dieu assiste votre majesté et dirige son cœur. Hola, un page. Va mander Doña Inés de Castro et qu'elle attende dans la salle d'audience. Vous, restez un instant.